Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche, le Making of. Bonjour Carole. Bonjour Christian. Et Gabriel. Salut Christian. Salut tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes virtuellement réunis pour vous parler de comment fut créé le PC Show avec Paul Courtemèche. Et surtout, comment se fabrique un épisode. Alors Carole, comment fut créé le PC Show? Par magie. Plutôt par la main de Dieu, ma très chère dame. Là, vous dites pas partout, mes jeunes, pas partout! C'est qui dit, mon vieil? Il demande comment fut créé le PC Show. Et je crois que c'est à moi qu'il revient de répondre, puisque j'en suis le créateur et scripteur. Ouais. Ah, si tu dis, mon jeune! Encore un mystère divin. Je disais donc, le PC Show est inspiré, pour sa forme, de ce sitcom américain de l'âge d'or de la radio, et principalement de la série Fibber McGee and Molly, qui a tenu l'antenne sur NBC de 1935 jusqu'à la fin des années 50. The Johnson Wax Program with Fibber McGee and Molly. Makers of Johnson's Wax and Johnson's Self-Polishing Glow Coat present Fibber McGee and Molly, written by Don Quinn, with songs by the King's Men and music by Billy Mills Orchestra. The show opens with Great Day. Et pour les personnages? Pour les personnages, certains sont inspirés de personnages tirés de Fibber McGee and Molly. Comme? Comme Madame Coudon, par exemple. Comment? Oh, McGee, here's Mrs. Uppington. How do you do, Mr. McGee? Ah, Jeannie with the light brown station wagon. Hi, Effie. Curl up on the kitchen cabinet near the sugar. Sugar? Thank you, Mr. McGee. Your hospitality is only exceeded by your charming appearance in that apron. But if you don't mind my mentioning it, your trousers are showing. doesn't he look ducky otherwise, though, Abigail? Simply ravishing, my dear. And who is doing his hair these days, if anyone? He does it himself with an egg beater, I think. But, you know, he's so busy with his dishwashing and housework that... All right, break it up, girls. Break it up. Break it up. I'm doing this so as I can enter a contest, Uppy. Why I like to wash my words in Latherino in 25 dishes or less. Oh, yes. Oh, these contests are so enthralling, Mr. McGee. Such a challenge to one's ingenuity. Oh, I got ingenuity, all right. But why shouldn't I? I'm part Indian. Careful with my teacups, McGee. Why, I think he's being extremely careful, my dear. But I'm afraid his apron is coming loose. Here, let me tie the bow in the back a bit tighter. Hey, not so tight. You're choking me. Oh, quit that. Oh. I'm so sorry. Ah, that's all right, Abigail. They were just a lot of old dishes anyway. I'll say they were. Some of them been in Molly's family for 100 years. We were getting pretty tired of it. Sure. When a dish gets to be 100 years old, throw it away, I always say. Oh, good heavens, I simply feel horrible about this, really. You must allow me to reimburse you for the damage. Oh, no, we won't. Oh, now, no protest. I can well afford it, you know. Oh, yeah, but... I know, no. I shall leave some money on the table in the living room as I leave. No. Oh, now, please. No. Please don't go with me. I know the way, and I've been embarrassed enough. Goodbye. Out of my way, McGee. Oh, boy. Where's your leader? Where's your leader? Here it is. How much? 100? No. Not 500? No. McGee, Don't tell me she left $1,000. No. Well, what Vous avez mis le temps, Monsieur Courtemanche. J'étais retenu ailleurs, Madame Coudon. Vous voulez dire où? Évitons les détails, hein, si vous voulez bien, Madame Coudon. Oh, bien sûr, bien sûr. Et que me vaut le plaisir de votre visite aujourd'hui? Une cause fondamentale, Monsieur Courtemèche, fondamentale. Pour laquelle on vous a chargé d'organiser une levée de fonds? Effectivement. Mais comment savez-vous? Oh, le bruit court déjà, Madame Coudon. Ah, ça? Mais c'est fantastique! Vous êtes la toute première personne que j'approche à ce sujet. Oh, on a vu des choses plus étranges encore, hein, vous savez. Vous êtes sans doute trop pressé pour rentrer vous asseoir. Non, justement, j'ai tout mon temps aujourd'hui et j'espérais bien votre invitation. Prenez dans la berçante. Le canapé ira très bien, merci. Oh, nom de Zeus. T'as vu que les témoins restent dans les vapes encore un moment. Hey, je vous offre quelque chose. Un petit café, un verre d'eau, un canada sec. Un verre de vin? Ouais, non, merci, je ne bois pas. Ah, bon. Quel était ce bruit? Un bruit? Quel bruit? Je n'ai rien entendu. Et toi, Picard, tu as entendu quelque chose? Ce bruit? Ce n'est rien. Un rat. Un tout petit rat. Un tout petit rat de rien du tout. Il est derrière le canapé! Mais non! Mais si! Est-ce que d'autres personnages du PC Show trouvent leur inspiration dans des personnages secondaires de Fibber, McGee et Molly? Oui. L'annonceur, par exemple. Quoi? Mais non, voyons! Je suis unique, moi! I can't shake hands now. My hands are all soapy. He's washing the dishes, Mr. Wilcox. And if that makes you feel faint, have a chair. I don't believe I ever saw you in an apron before, Fibber. Up to now, your charm and daintiness had escaped me. Oh, cut it out. You ain't sincere. I'm entered in a contest. Well, if it's a beauty contest, you'll get one vote from me, pal. In that apron, you... Oh, lay off, will you? I'm just wearing this thing to get into a housewifey mood so as I can answer the question intelligently. And the question is, why do I like to wash my dishes in Latherino? Yeah. And the answer is, quote, I don't, unquote. If I win, Arnold, the first prize is $5,000 a year for life. Well, can't you get an angle on it? Well, I'm on the trail. I think I like to wash dishes in Latherino on account of it's got a swell smell. It's got that tangy, piquant odor of the great outdoors. The pine-scented fragrance of the North Woods. The haunting, memory-laden... McGee! You stole that off the label of my bath salt. Oh, well, I wasn't going to use it verbena. You mean verbatim. Look, Fibber, maybe I can give you a lead. I know most of the angles on household products and why people like them. Of course you do, Mr. Wilcox. Let him help you, McGee. Sure, look. The Latherino Company probably wants to hear something nice about their product. Something they can tell other people. Use in their advertising. That's sensible, too. Well, go on, Harlow. I'm all ears and they're twitching with eagerness. Well, now take what people are always writing to the Johnson's Wax people in Racine. They say, I love Johnson's self-polishing glow coat on my kitchen linoleum because it saves me so much work. Yes, but then they say, when I think that all I have to do is pour out a little glow coat, spread it around, and let it dry to a beautiful mirror-like polish in 20 minutes or less. Yeah. I wonder why I ever use the old-fashioned scrub brush. And... Yeah, but Harlow, this is a different and thing. And they usually go on to say Johnson's self-polishing glow coat has given my linoleum a new lease on life. Oh, sure. And given me one, too. Well, because it saves me so much work. Work and time and money. But Harlow, I can't. So you see, pal, all you have to do is think up some reason why Latherino is better than other soaps. Just like Johnson's Glow Coat is superior to other products of its kind. You see, McGee, that's all. Doggone it, I knew that. But what can I say about Latherino? What do you want me to do, Fibber? Write out your whole contest entry for you? You go earn your own $5,000. This is your baby. You rock it. Rien qui tenait lieu. Il n'y a aucun abonné à ce numéro. Cesse de faire le joie, Apollo. Je sais que tu es là. Désolé. Mauvaise blague. Ouais. T'es bizarre, toi, aujourd'hui. Amène-toi, Jacques. Polo, je te présente Jacques. Jacques Polo. Jacques est un batteur exceptionnel. Tu devrais l'entendre dans un de ses célèbres solos. Boum, boum, boum, boum, boum. M'en fous. Ouh, ça décoiffe, je ne te dis que ça. Bref, il est en concert demain, à la soupe au pois. Je crois que tu pourrais en parler dans ton journal. Mais si, pas de problème. Vous êtes sûrement super pressé, hein. Aussi, je ne vous retiens pas. Mais qu'as-tu à toujours regarder vers le canapé? T'as caché une fille derrière ou quoi? Une fille? C'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais, c'est ça. Vous comprenez? Ça m'arrangerait si vous pouviez faire du vent vite fait. Ripouille va, on file. Oh, j'oubliais, tiens, t'écouteras ça avec ta dulcinée. C'est un enregistrement d'une pièce tirée de la symphonie familiale de Christian Martin, inspirée de mon pote Jacques, ici présent. Allez, salut, canaille. Ouais, c'est ça, salut. Mettons vite cet enregistrement dans le lecteur. Ça couvrira toujours le bouquin du témoin. Même Pépère a un petit quelque chose du old-timer de Faber. Oh, boy, well! Vous l'avez dit, Pépère. Oh, there, girls! I just... Oh, excuse me, Johnny, the apron fooled me. You kids want to buy any Easter eggs? No, thank you, Mr. Old-timer. I don't believe we want any. Oh, come on, kids. I got some beauties this year. Purple ones, pink ones, striped ones, polka-dotted ones, ones with pictures on them. Oh, my. Did you dye them yourself, Mr. Oldtimer? Sure did, daughter. Stripped down in my bathing suit, went out in the backyard and colored eggs so I was blue in the face, green on the knees, and purple on the feet. Well, I imagine purple feet look good on you, Oldtimer. I didn't think so, Johnny. So you know what I done after that? What'd you do? I dyed with my boots on. Yeah, you'll be putting your foot in it up to the last, I guess. That's pretty good, Johnny. But that ain't the way I heard it. Wonderful world, or is it? The way I heard it, one feller says to t'other feller, see, he says, what does Mahatma Gandhi want England to do for his country anyway? That's easy, says t'other feller. He wants them to give it back to the Indians. Well, I'll see you later, kids. Sorry I didn't want any Easter eggs. Hey, that's the wrong door. Nadia, that's the closet door. Oh, no. Ain't you kids ever going to straighten out that gosh darn museum? Salut, mon jeune. Je suis venu voir si... Coudain, mon jeune... T'as une tête d'enterrement? Ton chat est-il mort? Non, pépère. Picard va bien, heureusement. Ouf! Hey, pendant une petite minute, là, je vais lui affiner. Ben, c'est quoi qui te baisse le caca de même, mon jeune? Mon ordi, pépère. C'est lui qui est mort. Ton ordi, mon jeune? Ah, ça, c'est un dactylo moderne, ça, non? Ah, si on veut. Ben, mon jeune, un jeu disant un autre pis pas disant plus. Il n'y a pas de question de la face de même. Vous ne comprenez pas, pépère. Un ordi, c'est bien plus qu'une dactylo. La mort d'un ordi, c'est comme si on avait mis le feu à tous vos souvenirs. Oh, Boswell! Comme vous dites. Oh, je compatis, mon jeune. Je compatis. Ah, je suppose que je suis pas le bon moment de te demander une fleur, hein, mon jeune? Je suis toujours prêt à vous rendre service, pépère, vous le savez. Ah, ben, tu vois, mon jeune, aujourd'hui, ben, pis moi, on fête la première fois qu'on a roué dans le foin ensemble, là. Ça veut dire... ah, ça t'a un petit quelque chose, là. Mais ça m'a complètement sorti de l'idée. Ça fait que je me suis dit que tu pourrais peut-être bien me faire une de ces petites cartes, là, comme d'autres jours. Mon pauvre pépère, ces petites cartes, comme vous dites, c'est avec l'ordi que je les fabrique. Plus d'ordi, plus de petites cartes. Boswell! Vous l'avez dit? C'est pas ça, mon jeune. C'est juste qu'à cette heure, je suis dans le trouble en Boswell. Ma mère, elle s'attend un cadeau, là. Puis si j'ai rien donné, elle va vouloir être payée en nature. Où est le problème? Vous aimez ça d'habitude? D'habitude, il reste du gaz dans le tank à gaz. Pauvre pépé. C'est pas pareil, pas tout, mon jeune, pas tout. Je n'ai jamais dit que le old-timer et vous étiez pareil, pépé. J'ai dit que je m'étais inspiré du old-timer pour vous inventer. Ça se limite à ça, une inspiration. Vous avez votre propre histoire, votre propre personnalité. Il en va de même pour Madame Coudon et l'annonceur. Je l'avais dit, je suis unique! Et pour Paul, d'où vient l'inspiration? Paul tient beaucoup de moi. Il n'est pas un reflet parfait, mais nous avons plusieurs traits en commun. Et le témoin? Le témoin est carrément une caricature de ces gens qui passent par les portes le week-end, souvent trop tôt le matin, avec leur Bible et leur revue. D'où vient Mac? D'un amalgame d'anglophones de ma connaissance qui, étrangement, sont nés au Québec, ont vécu toute leur vie au Québec, sans jamais parvenir à parler le français sans le casser. Mais, tout comme Mac, ils sont fichtrement habiles de leurs mains. Et qu'en est-il de Picard? Picard aussi est un amalgame. Un amalgame de tous les chats avec qui j'ai vécu tout au long de ma vie. Mais surtout les trois suivants. Cara, Léonie et Hitchcock. Pourquoi l'avoir appelé Picard? Ah ça, on le saura dans un prochain épisode. Il faut rappeler aux auditeurs que ce making-of est réalisé après le 6e épisode du PC Show et même avant le 7e. Il y a donc plein de choses que même nous, les acteurs, ne savons pas, Christian ne fournissant les scénarios qu'au fur et à mesure. Justement, parlons-en des interprètes. Pourquoi nous avoir choisi nous, Carole et moi? Parce que je vous connaissais, que je connaissais votre talent, ayant eu le plaisir de travailler avec vous deux sur d'autres projets des éditions de l'avenir. À vrai dire, je ne me suis pas posé la question longtemps. Je savais qui je voulais pour le PC Show et j'espérais de tout cœur que vous accepteriez quand je vous ai proposé le projet. D'ailleurs, qu'avez-vous pensé du projet quand je vous en ai proposé l'idée ainsi que les trois premiers scripts? Carole? J'ai trouvé l'idée fort sympathique. Et puis, j'aime beaucoup participer à des projets collectifs réalisés par Christian. Gabriel? Quand j'ai lu les premiers scripts, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'était drôle. J'étais capable de m'imaginer les personnages directement dans ma tête. J'avais déjà une idée de qu'est-ce qu'il aurait l'air, comment il agirait. Donc, c'est ça. J'ai été accroché en partant. Puis après ça, au fur et à mesure que je lisais les scripts, j'ai eu après les connaître un peu plus. On commence à les développer un peu plus aussi dans les scénarios plus récents. Donc, c'est toujours le fun de découvrir des nouvelles affaires au niveau des personnages. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est quand c'est un coup de cœur. J'ai lu le premier, puis je me suis dit, Colin, c'est drôle. Donc, j'ai décidé tout simplement de dire, oui, OK, pas de problème. Je me suis senti bien à l'aise de dire à Christian, même que certains personnages qui ne m'avaient pas attitré, que je voulais jouer, parce que j'avais déjà une idée en tête, puis je me disais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment jouer. Puis il a été gentil de me les céder, donc ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Et d'où est venue l'inspiration pour les voix des personnages? Par exemple, est-ce que Madame Coudon est très différente de Carole Bassani, vocalement? Ou peut-être que le tout se joue au niveau des inflexions et des attitudes? Oh oui, vocalement, Madame Coudon est très différente de Carole Bassani. Oh oui, Madame Coudon est très différente de Carole Bassani! Il est clair que Mac, Pépère et même l'annonceur sont loin de Gabriel Jean vocalement. D'où est venue une inspiration pour les voix des personnages? Dans le cas de Mac, j'ai compris dès le départ qu'il s'agissait d'un anglophone, donc j'ai tout simplement caricaturé un personnage de François Pérusse, qui, en tout cas, ça sort de bien plusieurs sketchs, ça doit faire assez longtemps que j'ai cette voix-là en tête. La voix est tout simplement la voix de base que je prends pour un personnage que je qualifie de loufoque, mais comme le personnage est relativement le plus sérieux de la troupe, ça sort quand même assez intéressant. Je veux dire, j'ai toujours du plaisir à faire Mac parce que non seulement il faut que je fasse attention à ce que ça soit clair, mais en plus, c'est que c'est tellement un anglais impossible ou un français, je sais pas, c'est dur à dire parce que bien souvent, ça alterne à tous les deux mots, on change de langage, c'est bien le fun, la voix a été vraiment dans le dialogue, c'est-à-dire, j'ai vu les premières affaires comme le « qu'est-ce que c'est ?» Puis je me ok, tout de suite, la voix s'est placée pour ce personnage-là, ça serait Nazière, puis un gars bonasse qui est toujours capable de régler tous les problèmes puis qui est bien heureux de le faire, justement. Dans le cas de Pépère, ben encore une fois, c'est une voix qui m'est venue en lisant les répliques, puis en me disant « bon, ben ok, ça sonne un petit peu comme les personnes âgées que je rencontre qui prennent le temps de nous arrêter dans la rue puis qui commencent à jaser de leur vie. » Ça arrivait souvent quand je prenais l'autobus pour aller travailler, il y avait une madame, elle nous racontait tout, puis elle était capable encore de changer le monde, puis elle, il n'y a rien qui l'empêchait de régler dans la vie, c'est-à-dire, bon, les lignes de la rue étaient dépeinturées, puis il avait chialé, elle avait parlé à l'hôtel de ville, bon, ben finalement, elle avait dit « donnez-moi un canon de peinture, m'a le faire », puis finalement, la ville n'a jamais autorisé ça, bien entendu, parce que c'est des emplois syndiqués, mais elle a trouvé ça complètement niaiseux, puis c'est cette espèce de, je sais pas, de besoin de ravoir la vie de façon simple que j'ai aimé dans Pépère. Je veux dire, il y a toujours de quoi. Ah, il connaît tout, puis il a de l'expérience, puis ce qu'il dit, dans le fond, ça se tient debout. Fait qu'il est pas si fou, il est pas si fou que ça, dans le fond, puis j'aime bien ça. Pour la voix du personnage, c'est drôle à dire, mais au départ, je m'étais inspiré de mon oncle Raymond. Il a une voix très particulière dans la famille, puis c'est une voix que j'ai toujours aimée. Je me suis toujours dit, je sais pas comment lui est arrivé à cette voix-là en grandissant ou peu importe, mais il y a vraiment une voix rauque particulière. Puis j'ai essayé de caricaturer ça. Puis à un moment donné, bon, ben, à force de travailler le personnage, je me suis rendu compte, Christian m'avait demandé qu'il sonne plus vieux. Donc, OK, il y a un dentier qui est lousse. Donc, j'ai commencé à mettre un petit peu de en tout cas, disons que ça m'arrive de baver quand je fais le personnage. Fait que je suis parti de ça, j'ai rajouté une voix un peu plus comme ça, puis j'ai donné un accent ben québécois, puis finalement, ben ça a sorti comme ça sort, mes amis. Puis, ben, l'annonceur, ça a été peut-être le plus facile à camper, parce que j'ai compris tout de suite que c'est un personnage qui est over the top, t'sais. Il est grand, il est gros, tout est big, tout est impressionnant, tout est grand. Donc, j'ai tout simplement pris la voix d'un des personnages que je fais dans un de mes doublages de Transformers, qui est un personnage, justement, qui je suis obligé de jouer gros parce qu'il utilise là, tous les stéréotypes chevaleresques de l'ancien français, le médiéval, qu'on entendait souvent là, comme dans les films de Jean Reno, les Visiteurs, je pense que ça s'appelait. Donc, vu que ce personnage-là était déjà gros et grand, j'ai tout simplement pris la voix, j'y ai ramené un accent un peu plus français international. Puis, bon, ben, à force de jouer, je me suis rendu compte que c'est un personnage que c'est facile d'embarquer un rire naturel dedans. Donc, il y a souvent cette espèce de « ho, ho, ho, ho » en arrière. On pourrait quasiment dire que c'est un genre de Père Noël des temps modernes, je sais pas. Mais l'inspiration vient de là dans son cas. Puis après ça, y a pas grand-chose d'autre. Tout est dans le texte. Je veux dire, on n'est pas limité par rien de physique ou de visuel dans ce projet-là. Donc, chaque personnage est né de comment Christian avait écrit le texte. Donc, c'est ça, moi, qui m'a été la base qui a inspiré tout, dans le fond. Comme je disais, au départ, dès que j'ai lu le premier texte, j'avais déjà en tête les voix des personnages. Donc, je veux dire, je savais directement où m'en aller avec ça. Puis, faut croire que ça marche. Puis, moi, j'ai une question pour Christian. La voix du témoin, d'où vient-elle? Oh, c'est une voix que j'ai utilisée à quelques reprises dans de précédentes productions. C'est ma voix douce, ma voix de femme, ma voix d'efféminée, dont je modifie légèrement le pitch pour le PC Show. Et Pete? Ah, Pete a ma grosse voix ronde. Flatter, flatter, flatter. Pete, mon camelot favori. Colic, colic. J'attendais, tu vois. J'avais placé toute la monnaie sur le petit meuble près de l'entrée. Tiens. Ouh! Des tonnes de tonnes! Oui, ça en fait beaucoup, hein? Il n'y a que des sous noirs, comme tu les aimes. Picard? Ah, tu tombes mal, mon bonhomme. Pour flatter? Picard a disparu, Pete. Pour flatter! Toujours flatter! Oui, je sais. Il t'aime bien. Il vient toujours vers toi pour se faire flatter quand tu arrives pour la collecte. Mais pas aujourd'hui, mon gars. Il a disparu. Je ne sais pas où il est. Ben, tu?

Ceci dit, je renonce à mon grand rêve. Du moins, pour le moment. Et pour toi, Gabriel, ça se passe comment, un enregistrement pour le PC Show? Un enregistrement, ça se passe, en fait, quand j'ai un peu de temps. J'ai trois enfants à la maison maintenant, donc je sais pas si on va l'entendre, mais ma fille est à côté de moi présentement, puis elle parle, je sais pas si le micro le capte, mais c'est ça. Il y a souvent quelqu'un en arrière de moi qui parle, donc j'essaie de garder le plus possible le silence, mais c'est souvent quand les périodes de dodo sont synchronisées entre tous les enfants. Donc à ce moment-là, je me lance en bas, puis je vais en faire un petit bout. Généralement, je vais lire le texte sur mon lunch au travail, c'est-à-dire c'est souvent envoyé par c'est tout le temps un PDF que Christian nous envoie, donc je m'installe pendant mon lunch puis je le lis. Je peux faire une ou deux lectures. Généralement, c'est juste pour me familiariser avec le texte, donc je veux savoir l'histoire avant de commencer. Quand j'arrive à la maison après ça, ben je fais tout simplement une recherche des noms des personnages qui me concernent, puis j'enregistre ces répliques là. Tour à tour, je fais à peu près trois prises par réplique. Puis après ça, je reprends l'enregistrement brut, puis je coupe les prises que j'aime pas. Si j'en ai fait plus que trois, j'essaie d'en retirer là, pour qu'il y en ait moins à Christian, là, qu'il lui en reste moins à filtrer, dans le fond. J'ai remarqué, je pense, Carole, elle se trouve à les séparer réplique par réplique. Moi, Christian m'a jamais dit qu'il voulait ça, donc j'ai tendance à faire un seul gros fichier par personnage. Toutes les répliques sont enchaînées une après l'autre. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire le montage audio. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faudrait que je change, mais c'est comme ça que je procède. Puis c'est ça, le matériel technique, j'ai simplement un bon vieux Eurorack UB1202FX, qui est dans le fond un mixeur à 4 micros. J'en utilise seulement qu'un, bien entendu, mais c'est ça, j'ai pas grand-chose d'autre côté équipement. Je suis chanceux pour ce qui est de l'équipement que j'ai. Ça a été abordable, puis c'est tout fiable à ma connaissance. Ma qualité est quand même potable, donc je m'en fais jamais bien trop de ce côté-là. Puis c'est ça, l'enregistrement se fait dès que j'ai le temps. Je pense que c'est moi qui retarde souvent la sortie d'épisodes, mais bon, c'est ça. Ça dépend vraiment de quand j'ai le temps de le faire. C'est soit les après-midi quand tous les enfants dorment en même temps où je suis capable d'avoir un peu de silence relatif comme en ce moment, ou quand je suis seul à la maison. Ça arrive très rarement maintenant, donc c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. J'y vais comme ça. Je me lance. Puis, généralement, en trois prises, j'ai le temps de les faire. Bien souvent, mes meilleures prises sont les premières que je fais. Donc, je les laisse tout le temps. Puis, j'en mets quelques-unes de plus là, si j'ai corrigé des tons ou des intonations en cours de route. C'est ce que je vais laisser à Christian. Puis, je lui laisse le choix après ça de choisir là, la réplique qui va le mieux pour le rythme de sa scène. Salut Warren! Qu'est-ce qui t'amène? Ce serait plutôt à moi de vous poser la question, pépère. Ben, tu penses? Il me semble. C'est vous qui venez de sonner chez moi. Ah, si tu te dis, Warren. En passant, qu'est-ce qui t'est arrivé à ta bouche? Un mari genou? Non, un dentiste zélé. Ah bon? Mais il me semble, tout. Puis, Warren, qu'est-ce qui m'amène? Ah, ça, c'est une bonne question. Pendant que vous y réfléchissez, je vais vous en poser une autre, moi. Aimez-vous le steak tartare, pépère? Le quoi, Morin? Le steak tartare. Bah, qu'est-ce que c'est ça? Tenez, je vais vous montrer. Ah, des patates frites! Non, je me suis trompé de sac. T'as du bœuf haché? Et c'est ça, ta tarte tort? Ouais, en quelque sorte. Mais pourquoi je l'ai pas dit tout de suite? Pas sûr que j'aime ça! Attendez-moi un instant, je vais voir qui a sonné. Ouais, comme un petit creux, moi, là. Il mange juste un petit quelque chose, cette tarte tort, là, pour que ça soit immangeable. Ah, ben, viens ce qu'il me faut. Un plein de beurre. Et maintenant, notre porteur. Ouais, les fouillera bien comme faut, les enfants, des bas, je vois, de bonne galette en bigger, ça. Ah, ben, c'est prêt! Excusez-moi, pépère, j'étais prêt avec un remords de vendeur de balayeuse qui voulait plus décoller. Mais pépère, qu'avez-vous fait là? Ben, tu vois bien, mon jeune. J'ai fait cuire ton tartare, là, puis je la mange. Tu m'as demandé que je mette ça. Je supposais que tu voulais me la donner. Ben... Ah, t'es quoi, c'est bien bon, mon jeune, c'est bien, bien bon. J'en suis bien heureux, pépère, mais... Ah, ça me fait penser. Il faut que je me sauve, moi, là, là. Et il y a ma mère qui m'attend avec un sel, là, que tu m'as prêté. La voyure, là, puis merci bien pour le lunch. Pépère, vous en comprenez que je ne peux pas vous... Je peux être pépère, mon vieil. Oh, désolé, mec. J'ai cru que c'était pépère qui revenait. No problemo. Vous m'avez fait une call? Je t'ai appelé, moi. Oui, mon sauveur. Entre. C'est quoi ta problème? Ça. Ouch! Qu'est-ce que c'est qu'elle a eu? Elle voulait pitcher par la fenêtre? Ben... No! Si? Jeez! Est-ce trop présomptueux de demander si tu peux le réparer? Yeah! Salut mon polo, comment vas-tu? Moi, j'ai une pêche d'enfer! J'arrive tout droit de chez mon cousin Sammy. Tu connais mon cousin Sammy? Tu sais, l'inventeur! Bref, j'arrive tout droit de chez Sammy avec une invention supra époustouflant! Check! Qu'est-ce? Attends! Et que tu l'arrives à tes dents? Mais non, désolé. Et tu l'as laissé t'arracher toutes les incisives? Non, il en reste une. Ouais. Allez, oublie ça et dis-moi ce que tu tiens là. Ah oui, ça. Et c'est un ouin-ouin qui fait oui-oui. Un quoi? Un ouin-ouin qui fait oui-oui, quoi. C'est un bidule que tu portes sur toi et qui t'avertit quand on s'approche trop près de toi. Imagine, tu es sur le trottoir, dans ton dos. Un pressé quelconque est sur le point de te bousculer. Avoue que tu serais bien heureux d'en être averti à l'avance. Imagine encore un grand centre d'achat. Un pickpocket s'apprête à lever ton porte-monnaie. Avec le ouin-ouin qui fait oui-oui, il n'a même pas le temps de tâter la poche que v'lan! Tu lui fiches un coup sur les doigts. Oui, pas mal. Mais imagine, un trottoir bondé en pleine heure de pointe. Oui. Imagine encore, en plein oratorio de Bach, ta femme veut te souffler sa critique du concert à l'oreille. Oui. Imagine enfin, à l'église, funérailles de ta grande tante. Oui. Bon, on ne peut pas s'en servir partout, c'est vrai. Mais ce n'est pas pire que les cellulaires. Ah, tu crois? Oui. Non, c'est bon. Ah, voilà mon témoin. Alors, c'est terminé? Oui, je vous remercie, cher monsieur. Vous aviez raison, ce petit gueuleton m'a fait le plus grand bien. Et c'était bon? Excellent. Je suis de nouveau tout pimpant et de ce pas, je vais reprendre ma tournée. Dieu soit loué. Comme vous dites, cher monsieur. Merci encore. Au revoir. Bonne fin de journée, là. Depuis quand caches-tu des témoins de Malvina dans ta cuisine? Oh, tu sais, ce n'est pas un mauvais bougre. Et puis, il lui est tombé une tuile sur la tête dernièrement. J'ai juste voulu un peu le requinquer, comme qu'il dirait, en lui offrant un gueuleton. À vrai dire, il m'a un peu rendu service en même temps. Je dois rédiger une chronique sur le steak tartare de la vache folle et comme je suis végétarien... Ah, tu t'es trouvé un cobaye, me semblait aussi! Au fait, de quel restaurant tu dis que provenait ton steak tartare? De la vache folle. Pourquoi? Pauvre vieux, un inspecteur de la santé vient de cadenasser la vache folle. Viande contaminée. Oh, nom de Zeus! Mon témoin! Hello, mon vieil! Où c'est qui est ma lunch? Et pour toi, Christian, ben, ça se passe comment l'enregistrement? Avant de passer à l'enregistrement, je veux juste préciser que Carole m'envoie aussi un seul fichier contenant les prises de toutes ses répliques. Et c'est parfait comme ça. Tu fais sans doute allusion aux quelques répliques que je t'ai envoyées pour faciliter l'interaction entre Madame Coudon et l'annonceur. Tu as reçu les prises que je voulais conserver, tout simplement. Bon. Comment se déroule un enregistrement pour moi? Étant également le monteur des épisodes, j'attends habituellement d'avoir reçu vos répliques avant d'enregistrer les miennes. Je commence souvent par le témoin, parfois par Picard, mais je termine toujours par Paul, parce qu'il demande le plus de travail. Étrangement, Paul est souvent le plus difficile à jouer pour moi. Pour les deux premiers épisodes, j'ai dû me reprendre 3 fois avant de faire quelque chose d'à peu près potable. Même chose pour le 6e. Et ce n'est pas faute de multiplier les prises du même réplique. C'est juste que, parfois, je ne l'ai pas pantoute. Et d'autres fois, ça va mieux. Alors, ça va mieux? Un peu. Et là, c'est un peu. J'ai l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête. Vous dites m'avoir retrouvé dans la rue? Yep. Enfin, sur le trottoir, hein. Étendu de tout votre long, comme un paillasson. Et vous m'avez prise avec vous. M'avez hébergé chez vous. Et soigné? Évidemment. On laisse pas un chien estropié dans la rue. Merci bien. Je veux dire, je ne suis pas du genre à laisser sans soin un chien estropié. Alors, encore moins un être humain, hein. Même si c'est un témoin. Oh, pardonnez-moi, j'avais mal compris. Ah, oh, ça arrive à tout le monde. Tout de même, j'aimerais bien savoir ce qui m'est arrivé. Ah, ça, seul le ciel le sait. Sans doute. Sans doute. Oh, tout Jésus! Avec cette calamité, j'ai pris un retard fou dans ma tournée. Je dois absolument me sauver. Déjà que mon quota est au plus bas. Tenez, votre sac de glace. Non, regardez-le. Je vous l'offre. Il vous sera plus utile qu'à moi. Ceci dit, sans vouloir m'immiscer dans vos affaires, je vous suggérerais plutôt de rentrer chez vous, de vous aliter et de récupérer un bon coup plutôt que d'affronter une nouvelle tournée de portes vous claquant en pleine poire. Surtout avec le melon qui vous pousse sur la citrouille. Grand Dieu! Au contraire! Je dois en profiter! Vous comprenez? Pour nous, un accident est la plus grande bénédiction du ciel. Plus notre état fait pitié, moins les gens osent nous claquer la porte au nez. Je ferai peut-être même une conversion aujourd'hui. Ah, une conversion. Le rêve. C'est vous dites. Merci pour tout, mon très cher monsieur. Et que Dieu vous bénisse. Il y en a qui sont mazos tout de même. Que se passe-t-il ensuite? Je divise chaque contribution par réplique, identifiant chacune soigneusement, puis, utilisant une table de montage virtuelle, je monte l'épisode. Je choisis une piste par personnage, une piste pour chaque effet sonore, ambiance, musique. Et je place le tout en séquence en suivant le script. À l'étape suivante, j'ajoute les réactions du public. Et si je ne me suis pas trompé, on obtient un épisode du PC Show. C'est à ce moment-là que tu nous l'envoies à Carole et moi en avant-première. Yep. Et c'est à ce moment que vous me dites si c'est réussi ou si je dois apporter des modifications. Il y a encore un aspect du processus que nous n'avons que peu abordé. Lequel? La musique. La musique? Par exemple, quand se fait le choix des pièces musicales? Oh, ça, au tout début, entre l'idée pour l'épisode et avant la rédaction du script. Et comment se déroule l'enregistrement d'une chanson de Kael? Tiens, voilà justement Kael qui arrive en coup de vent. Bonjour tout le monde. Vous parliez de moi? Gabriel demandait comment se déroulait un enregistrement d'une chanson pour le PC Show. Tu es sans doute le mieux placé pour répondre. Je vous dirais qu'il faut y aller d'instinct, tout donner, puis ensuite laisser ça à nos producteurs. Et ce sont toutes des chansons que Christian a écrites? Pour le moment, oui. Parfois, en collaboration. Vivre heureux, amour. s'enivre d'un mot. J'aimerais comme vous deux, j'aimerais vivre comme vous deux, j'aimerais être en amour, en amour pour toujours. Vivre amoureux dans les yeux des enfants. Par un sourire, par un désir d'amour. J'aimerais vivre sans fin, un amour comme le vôtre. J'aimerais vivre sans fin, le grandiose amour. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je suis pressé. On m'attend à Nashville. Salut, là! Salut, là! Salut, Carl! Salut, mon gars! Bye, Mel! Moi non plus, je m'ennuie pas, mes jeunes, là, mais faut que je vieille! Là, il y a ma mère, là, qui m'attend avec la marmelade que Paul va me passer. Hein? Ben oui, mon jeune, tu sais, la marmelade, là! Ah! Cette marmelade-là? Ben oui! Je dois également m'esquiver, Monsieur Martin. Il me faut me pencher sur cette cause primordiale sur laquelle on a attiré mon attention. Au revoir, donc. Au revoir, Madame Coudon. Au revoir, Madame Coudon. Je dois aussi vous quitter, ma très chère dame, mes très chers messieurs. Avec tout ça, j'ai cumulé un retard fou dans ma tournée. À moins que... Vous ne seriez pas intéressé par notre formidable revue. Non, merci. Ça m'aurait étonné aussi. Hé, hey, attendez-moi, mon vieille. C'est quoi c'est ton magazine? Ce making-of se termine ici, apparemment. On dirait. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, Carole? Non, rien de particulier. Gabriel? Oh, j'ajouterais juste que c'est toujours plaisant d'enregistrer ça, puis même faire le making-of, ça a été bien plaisant aussi. Merci d'avoir pris le temps de le faire, puis j'aimerais remercier les gens qui nous écoutent aussi. C'est le fun de savoir au moins qu'il y a un auditoire. C'est plaisant de lire vos commentaires aussi. C'est très flatteur, en fait, surtout pour des amateurs. Moi, j'adore vraiment ça, puis c'est pas mal la seule paye qu'on a, dans le fond, c'est de savoir que ce qu'on a fait a été apprécié par quelqu'un. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tout le monde. Carole, Gabriel, Kael, nos éditeurs. Merci d'être là. Merci à vous. Donc, merci. Et à la prochaine pour un nouvel épisode du PC Show. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche, le Making of, avec Carole Bassani, Gabriel Jean, Kael et Christian Martin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives est une production 2011 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention, à bientôt! C'est toujours moi qui suis dernier parti. On m'oublie comme une vieille chaussette et je vais me plaindre à mon syndicat!